Quel créneau soupçonneux et noir qu'un Alcoran. Un texte avait le glaive au poing comme un tyran. La loi d'un peuple était chez l'autre peuple crime. Lire était un fossé. Croire était un abîme. Les rois étaient des tours. Les dieux étaient des murs. Nul moyen de franchir tant d'obstacles obscurs. Sitôt qu'on voulait croître, on rencontrait la barre d'une mode sauvage ou d'un dogme barbare. Et quant à l'avenir, défense d'aller là. Le vent de l'infini sur ce monde souffla. Il a sombré. Du fond des cieux inaccessibles, les vivants de l'éther, les êtres invisibles confusément épars sous l'obscur firmament, à cette heure, pensifs, regarde fixement sa disparition dans la nuit redoutable. Qu'est-ce que le Simoun a fait du grain de sable? Cela fut, c'est passé, cela n'est plus ici.